Bonsoir à tous, bienvenue à une autre édition de l'émission Le Terminus, dédiée au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Je m'appelle Jean-François Lusignan et je serai en votre compagnie au courant de la prochaine heure, c'est ça, jusqu'à 20h. Et ce soir, pour vous donner un petit aperçu, on va avoir une nouveauté de Comme un homme libre, une nouvelle chanson en plusieurs années pour le groupe qui est maintenant au duo, au savoir Sebado, également aussi les Breastfeeders, Film School et Daddy's Hand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce soir des groupes qui nous ont envoyé leur album il n'y a pas tellement longtemps à la station et qui, bien, c'était franchement bon. Et vous allez entendre ça ce soir à l'émission. Donc, c'est la preuve que ben, les groupes peuvent envoyer leur album à CISM et avoir une chance de tourner parce que des fois, c'est difficile. Hein? Il y a tellement de choses qui sortent partout, entre autres sur Internet. C'est difficile de suivre. Alors, c'est le fun. C'est intéressant quand les groupes envoient leur matériel à CISM. On va justement commencer avec The Babies, qui est un groupe de Brooklyn. Un groupe qui a été fondé par la chanteuse et guitariste des Vivian Girls, qui s'appelle Cassie Ramone, et aussi est accompagnée dans ce projet-là avec Kevin Morby du groupe Woods. Et leur premier album homonyme, qui s'appelle donc The Babies, est sorti à l'hiver 2011. On va attendre tout de suite la chanson Meet Me in the City sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Yeah, I'm crazy, I'm crazy, I'm crazy. Première chanson de Comme un homme libre depuis 2005, le dernier télégramme, et c'est disponible depuis la fin de semaine dernière, c'est ça, le groupe a annoncé qu'il était de retour et ils ont mis sur site internet, sur Facebook, si je ne me trompe pas, cette chanson-là qui s'appelle donc Le dernier télégramme. Il semblerait que d'autres chansons qui sont à venir dans les prochaines semaines, je pense. Et donc maintenant, Comme un homme libre, c'est seulement un duo qui est formé toujours de Karen Isabelle et d'Étienne Chan Kane. Donc c'est à suivre pour Comme un homme libre. Et c'était précédé du groupe australien Deep Sea Arcade avec Girls. Et je me donnais jusqu'à la fin de la saison de l'émission Le Terminus pour faire jouer Sebado dans le classique de la semaine. À chaque semaine, je fais jouer un truc pas tellement récent qui est un classique. Et ben là, Sebado s'est donné le mot et finalement en sorti du nouveau matériel. Donc, pour la première fois en 14 ans, ça s'appelle le Secret EP, sorti il y a peut-être une semaine ou deux. Et ça contient des nouvelles chansons donc du groupe qui est formé maintenant de Lou Barlow et Jason Lowenstein, accompagné de nouveaux batteurs. Et ils nous avaient déjà visité l'année dernière à la Sala Rossa. Ils sont de retour le 21 août prochain, donc encore en spectacle, pour nous présenter sûrement ces nouvelles chansons-là. Également, il semblerait un nouvel album même qui suivrait en début d'année 2013. Donc, c'est à suivre. Et c'était vraiment un très bon spectacle l'année dernière qu'ils sont venus nous voir à Montréal. À part peut-être les petites jokes de bébé là, qui viennent toujours quand les gars d'un groupe vieillissent. Là. Mais sinon, c'était un très bon spectacle. Et on va écouter donc tout de suite de ce Secret EP-là qui est disponible sur Bandcamp. La chanson « Keep the Boy Alive » de Sebado, sur les ondes de CISM. She's got a deep abiding love for you, but even that can't make her. Father. that won't change a thing. When I say no, the hunger starts to scream. Control my ancient call, control the depths and cross the pain. Understood the body came before the love began. I thrive my days underrated bodies through my mind. I do it by trio de Nashville, Heavy Cream, avec I Know This de leur album Super Treatment, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Et avant Heavy Cream, c'était Daddy's End, un groupe de Colombie-Britannique qui a reconnu quand même une histoire assez mouvementée. Daddy's End, là, ils ont dû arrêter de jouer en 2006 après la mort du chanteur Dave Wenger. Et imaginez, 5 ans avant, il y avait eu un autre décès dans le groupe. Cette fois-ci, c'était Emily Bosloff, j'espère que je prononce bien, qui était décédée. Et à la fin, donc, en 2006, restait seulement dans le groupe un batteur et un saxophoniste. Donc, on ne va pas très, très loin avec ces instruments-là. Donc, le groupe a dû cesser. Et je vous conseille de regarder leur matériel, Daddy's End, un groupe canadien super intéressant. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez retrouver la liste des chansons que je joue ce soir et également réécouter l'émission, c'est toujours sur le CISM893.ca où vous allez trouver tout ça, également aussi site de l'émission où vous allez retrouver des compléments, c'est le leterminus.ca pour trouver tout ça. On va poursuivre tout de suite avec Bébé Brune des Français, la chanson Perdue cette nuit. Ce sera suivi des Breastfeeders avec Danser sur ma tombe. Toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Tous deux, on sort, on se couche tard. Les gens sont tous de vrais trouillards sous leur parapluie. Ils courent et courent à leur devoir. Et cette grêle tombe à tout hasard. Mais moi, je m'enfuis. Mais nous, on rit, tu me fais boire. On finit vite sur le trottoir, perdu cette nuit. Blanchi devant ce grand ciel noir, tout devient vite désillusoire, affalé, j'oublie. Pour nous deux, c'est terminé. Que nous deux, rien ne va. J'avais tellement envie. Ipswich avec I Could Care Less. Et Ipswich sont un groupe de Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est pas très très près d'ici ça. Et sur leur page Facebook, ils indiquent avoir une bague. Voilà, c'est super sympathique les gars. Et on va maintenant poursuivre avec une formation de la région de Manchester pendant que j'essaie de glisser le disque dans le lecteur, voilà qui est fait. Et donc, un groupe de la région de Manchester qui font une espèce de shoegaze, de dream pop qui est pas mal dans l'air du temps et qui est super bon. Ils ont lancé la semaine dernière une chanson qui préfigure un album à venir prochainement. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement cette chanson-là que vous allez entendre. Le groupe s'appelle The Louche. Voici Salt à l'émission Le Terminus. Yeah. de leur album paru en 2006, c'était Film School, avec l'album Film School, la chanson On and On. Et juste avant, c'était The Louche, qui s'écrit, en fait c'est comme en français une louche, mais c'est The Louche, comme de douche, et c'est la chanson Salt. On va poursuivre maintenant avec The Henry Clay People, la chanson Backseat of a Cab, ça se retrouve sur leur album 25 for the Rest of Our Lives. Et sur la pochette, on peut voir justement un gars qui semble un peu plus vieux que 25 ans, mais qui semble pas vouloir vieillir, en tout cas dans son cœur. On écoute ça tout de suite sur les ondes de CISM. My curtains, staring at the pharmacy lights, they were so bright. I thought it occurred to me then that we're so unstable. Knives on the cloth of the table, waiting to be pulled, waiting to be pulled. Then you L'ancien groupe d'Alexandre Champigny, c'est les Trompe-l'œil. La chanson reste à l'envers. Et justement, on a fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'Alexandre Champigny, il me semble. Hein? Ça fait quelques années que son album solo est sorti. Il serait peut-être temps de nous donner des nouvelles. Si vous en avez, écrivez-moi. Vous allez trouver l'adresse sur le site de CISM. Et sinon, ben, restez à l'écoute hein, parce que dans quelques minutes, Étienne Champagne, Rythmologie, arrive pour les deux prochaines heures. Ensuite, ça sera 12 pouces dans le jazz. Du jazz jusqu'à minuit. On va se quitter ce soir avec une chanson d'un trio de vétérantes du punk rock japonais. Imaginez, en 31 ans de carrière, ils ont sorti 18 albums, mais quand j'ai vu la pochette, je pensais qu'il y avait 20 ans. Eh bien, ils ont 31 ans de carrière, il faut le faire. Il semblerait même que Kurt Cobain, à l'époque, était un fan du groupe Shonen Knife qu'on va entendre. Ça va être la chanson Ghost Train sur leur dernier album Pop Toon qui vient de sortir. Et voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne fin de soirée. Mais bien, à bientôt! Oh.